Dans Matière et mémoire, Bergson se demande si la mémoire ne serait pas le point de rencontre entre le corps et l'esprit. Mais pour lui, la mémoire ne se situe pas dans le cerveau, qui est non pas le magasin des souvenirs, mais le centre d'action de notre existence. Mais alors comment survit le passé ? Si elles ne sont pas localisées physiologiquement en un point précis, comment survivent les images du passé ? Faudrait-il concevoir quelque chose comme un paradis du temps passé, au risque de s'y engloutir et de tourner le dos au présent ? Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men wasting most of their time glorifying days long gone behind. Men wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgraced. Tell me who of them will come. Consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come. Bonjour Souleymane Bachir Diagne. Oui, bonjour Adèle. Quel plaisir de vous entendre ce matin. Vous êtes chez vous depuis New York. Comment allez-vous ? Écoutez, je vais bien. Confiné, mais bien. Avec une grande fenêtre qui regarde le Hudson River. Bon, comme nous tous, comme moi d'ailleurs, puisque moi aussi je fais cette émission depuis chez moi. Et grâce à la radio et à Radio France, on peut quand même faire cette émission. Alors, où se situe le passé ? C'est la question que pose Bergson dans le troisième chapitre de Matière et mémoire qui va nous occuper ce matin. Et une des manières d'y répondre, eh bien, c'est en postulant l'existence d'un lieu fantasmé du temps passé qu'on pourrait appeler un paradis, en écho à la chanson de Stevie Wonder. Comment Bergson nomme-t-il le lieu où survivent les images du passé ? Alors justement, y a-t-il véritablement un lieu au sens d'une localisation où survivraient les images du passé ? Ou bien, plutôt, est-ce que le passé n'est pas toujours au présent, n'est pas ce que l'on rappelle au présent ? Le temps qui existe, au fond, c'est le temps présent. Et se donner l'idée du souvenir qui serait localisé, qui serait situé en arrière, à l'intérieur d'une espèce de zone de stockage, une zone de stockage d'où je ne ferai que rappeler les souvenirs, c'est peut-être bien cette idée-là qu'il faut abandonner, que Bergson nous invite à abandonner. Il nous invite en quelque sorte à arrêter de répondre à la question « où » ou plutôt à arrêter de poser la question « où se situent les souvenirs ?» parce que dès lors que je les appelle ces souvenirs, dès lors que je les rends présents à moi, précisément comme souvenirs, ils sont là. Ils sont situés, j'allais dire, en face de moi et ils me tirent vers l'action, vers la direction. Est-ce que ça veut dire que pour Bergson, le passé serait un moteur pour agir ? J'ai précisé que le cerveau était un centre d'action et non pas un magasin de souvenirs, mais le passé lui-même invite à l'action ? Le passé est une invitation à l'action. Si vous voulez, quand on parle de Bergson, une manière de le résumer, c'est de dire que chez lui, la mémoire, le passé, il en a une conception dynamique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire avoir une conception dynamique de la mémoire ? C'est considérer que ce qui est mon passé et qui, donc, normalement, n'est plus en ma présence, n'est plus présent, n'existe qu'au moment où je me le rends présent. Et pourquoi est-ce que je me le rends présent ? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement de me le rendre présent ? C'est un mouvement qui lui-même déjà est orienté de manière active vers l'avenir. C'est parce que je suis engagé dans le mouvement d'aller vers mon avenir que j'active des souvenirs, j'active une mémoire et je rends présent ce qui s'est déjà passé. Parce que le présent de mon action a besoin, et sur ce besoin-là, il faudra qu'on réfléchisse, mais il a besoin de ces souvenirs, il a besoin que cette mémoire-là s'engage ou se réengage dans le mouvement même de ma vie. Et c'est donc seulement à ce moment-là, au bout du compte, que je peux parler de ma mémoire lorsque je suis en présence de cette mémoire. Ce qui nous conduit à distinguer dans ce cas le passé du présent, car si le passé n'existe que sous forme de présent, alors y a-t-il vraiment une différence entre le passé et le présent ? Oui, dans la mesure où je puis me rendre compte qu'au bout du compte, ce que j'appelle mon souvenir existe bien. Il correspond à quelque chose que j'ai vécu et que j'ai vécu dans le passé. Donc il est clair que ce dont je parle là est un événement passé, un souvenir qui s'inscrit dans le mouvement, à une époque antérieure du mouvement qui est le mouvement de ma durée, le mouvement de ma propre vie. Mais ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que la relation que j'ai à ce souvenir, la relation que j'ai à ma mémoire est toujours une relation présente. Que je me remémore les choses ou que je réactive les choses, comme je viens de dire, en vue de mon action présente, de l'action qui me dirige vers mon avenir, c'est toujours au présent que je le fais. Et il y aurait un sens, effectivement, à dire qu'il n'y a qu'un temps, et c'est le temps présent. C'est le maintenant qui est le seul temps véritable. Parce que c'est dans ce maintenant que je suis en train d'agir pour le futur, de me diriger vers l'avenir, et c'est également dans ce maintenant que je mobilise ou que j'active ou que je revivifie ma mémoire et mes souvenirs. Alors, qu'est-ce que ce temps présent ? Qu'est-ce pour moi que le moment présent ? C'est la question que pose Bergson. Voici le texte. Qu'est-ce pour moi que le moment présent ? Le présent réel, concret, vécu, celui dont je parle quand je parle de ma perception présente, celui-là occupe nécessairement une durée. Où est donc située cette durée ? Est-ce en deçà ? Est-ce au-delà du point mathématique que je détermine idéalement quand je pense à l'instant présent ? Il est trop évident qu'elle est en deçà et au-delà, tout à la fois, et que ce que j'appelle mon présent empiète tout à la fois sur mon passé et sur mon avenir. Sur mon passé d'abord, car le moment où je parle est déjà loin de moi. Sur mon avenir ensuite, car c'est sur l'avenir que ce moment est penché. C'est à l'avenir que je tends. Et si je pouvais fixer cet indivisible présent, cet élément infinitésimal de la courbe du temps, c'est la direction de l'avenir qu'il montrerait. Il faut donc que l'état psychologique que j'appelle mon présent soit tout à la fois une perception du passé immédiat et une détermination de l'avenir immédiat. Or, le passé immédiat, en tant que perçu, est sensation, puisque toute sensation traduit une très longue succession d'ébranlements élémentaires. Et l'avenir immédiat, en tant que se déterminant, est action ou mouvement. Mon présent est donc à la fois sensation et mouvement. Et puisque mon présent forme un tout indivisé, ce mouvement doit tenir à cette sensation, la prolonger en action. D'où je conclus que mon présent consiste dans un système combiné de sensations et de mouvements. Mon présent est par essence sensorimoteur. Déceler la nature du souvenir, c'est ce que tente de faire Bergson. Il faut commencer par trouver ce qu'il appelle la marque concrète du présent. Ce présent, dit-il dans ce texte, lu par Éric Herson-Macarel, est un ensemble de sensations et d'actions. Les sensations viennent du passé, l'action c'est ce qui me conduit vers le futur. Nous voilà bien avancés, Souleymane Bachir-Diani. Qu'en est-il du présent lui-même ? On ne peut pas le définir sans le recours au passé et au futur en même temps ? Oui, alors il faut déjà faire une distinction radicale, qui est le premier grand point de ce texte qui vient d'être si superbement lu. On est tous un peu prisonniers de notre professeur de physique dans le secondaire. Quand le professeur de physique trace au tableau une ligne en disant « voici la trajectoire du mobile M, voici le temps T0, voici le temps T1 », nous prenons l'habitude de considérer le temps qui s'écoule comme une ligne qui est déjà dessinée et sur laquelle nous pouvons fixer des points déterminés qui correspondent à des moments précis. Et nous procédons ainsi pour définir un présent qui serait justement ce moment où je me situe et qui va tout de suite basculer dans l'avenir et qui prolonge un peu cette autre extension que j'appelle mon passé. Eh bien, Bergson, toute la philosophie de Bergson, toute la philosophie du temps de Bergson, du temps comme durée, est une invitation à nous débarrasser de cette image qui consiste au fond à remplacer le temps par de l'espace. Ce que fait notre professeur de physique est parfait pédagogiquement et philosophiquement trompeur, dans la mesure où l'image qui m'est donnée du temps, c'est effectivement une image totalement fugitive, un point qui, à peine assigné, a déjà basculé dans autre chose que lui-même. Et nous l'avons entendu dans le texte qui vient d'être lu, plutôt que de ce moment, de cette existence purement géométrique du présent, Bergson nous invite à penser le présent comme un état psychologique qui dure. On a ici une indication de ce que Bergson appelle un moi qui dure. Un moi qui serait dans un présent toujours évanescent, ce serait un moi qui ne dure pas précisément. Que signifie que le moi dure? Ça veut dire que ce moi ou le présent dans lequel se situe ce moi est à la fois du passé sous la forme de sensations et de l'avenir sous la forme de cette tension qui me conduit précisément vers le moment qui va arriver. Autrement dit, à la place du géométrique et du mécanique, il nous invite à penser un mouvement qui est un et indivisible. Et c'est seulement quand on pense un mouvement que l'on comprend le présent comme une espèce de maintenant, un maintenant qui n'est pas simplement un point, mais ce qu'il appelle un état psychologique, c'est-à-dire une disposition à agir, une disposition à aller de l'avant. Et ce que je fais du passé, c'est le mobiliser à l'intérieur de cette disposition à aller vers l'avenir. Donc, penser un mouvement vivant plutôt qu'une mécanique ou une ligne géométrique figée. C'est ça, il faut se défaire à la fois du cours de physique que l'on a reçu étant plus jeune, enfin ou cette année pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent, mais aussi d'une certaine conception du moi. Lorsque vous dites qu'il parle d'un état psychologique, c'est pas un moi comme étant une forme de substance que l'on pourrait qualifier et décrire et qui serait la même en des temps différents. C'est sans cesse un mouvement. Vous aviez employé le terme de dynamique. C'est ça. Le moi pour Bergson, c'est un élan dynamique. Exactement. De la même manière qu'il faut se déprendre des images géométriques pour représenter le cours du temps, il faut également ici se déprendre des images que les mots et surtout les étymologies des mots appellent. Substance, comme on sait, ce qui se tient en dessous, sub, en dessous, stare, se tenir, ce qui se tient en dessous, ce serait ce qui se tient en dessous de tous les changements. Ce qui change, mais ce qui change par définition lui-même ne change pas. Les changements lui arrivent, si vous voulez, mais ce n'est pas la substance elle-même ne change pas. Or, ce que nous dit ici Bergson, c'est que le moi lui-même ne se saisit qu'en tant qu'il dure, c'est-à-dire en tant qu'il est mouvement, en tant qu'il est cette tension vers l'avenir. Ce n'est pas simplement qu'il change, il est changement, il est engagé dans le changement, d'où cette idée effectivement qu'il s'agit d'un mouvement vivant et non pas d'une ligne géométrique immobile ou d'une mécanique qui serait divisible. Et alors pourquoi dans ce cas Bergson a-t-il besoin de distinguer le souvenir image du souvenir pur? C'est ce qu'il fait tout de suite, dès le début du troisième chapitre de Matière et mémoire. On a vu les jours précédents que pour Bergson la matière était image et que mon corps dans cet univers occupe une place particulière, est une image particulière. Ici, on a l'apparition d'un autre terme. C'est pas le souvenir image, mais le souvenir pur. À quoi renvoie ici cette notion de pureté? Qu'est-ce que ça signifie? Alors justement, le souvenir pur, c'est-à-dire la chose qui est déjà arrivée, et donc, je garde une image passée, si vous voulez, je projette l'image de ce souvenir sur ce qui est arrivé, sur un passé. Je suis dans une attitude que Bergson appelle rêveuse, pour dire précisément que c'est le moment où je suis détendu. Je parlais tout à l'heure du moi qui est tension vers l'avenir, qui est donc dans l'action. Mm-hmm. Et là, il s'agit d'un moi détendu, et l'idée de détente, c'est véritablement une sorte de tension élastique qui se relâche. À ce moment-là, je peux considérer que mes souvenirs sont des images figées que je fais défiler devant moi, et ou qui arrive dans ma conscience d'une manière que je pourrais considérer comme totalement désintéressée. Je ne suis pas engagé dans l'action, donc la relation que j'ai à mes souvenirs dans leur pureté, et que je peux contempler ainsi, sont des images fixes qui défilent dans ma conscience, un peu comme un film dans lequel je ne serai pas engagé et que je regarderai distraitement, si je puis dire. Alors que l'autre forme du souvenir, c'est précisément le souvenir qui est engagé dans l'action. Je prends toujours, quand j'ai fait cours il y a un an maintenant sur Bergson, et je me suis rendu compte à un moment donné que les métaphores qui marchaient le mieux, au fond, pour sortir de la métaphore de mon professeur de physique du secondaire, les métaphores qui marchent le mieux probablement sont les métaphores athlétiques, pour expliquer un peu comment l'idée qu'un souvenir est engagé dans le présent et dans l'action peut se comprendre. Les athlètes passent leur temps à répéter de manière, alors cette fois-ci mécanique, les mêmes gestes. Prenons un basketteur qui sait que son point fort, c'est se situer à tel endroit du terrain de basketball, et puis la coordination de tous ses mouvements, de son corps, de cette image particulière entre toutes les images qu'est son corps, se comportera de telle manière, de manière à faire entrer la balle dans le panier. Il va répéter ce mouvement souvent. Et en cours de jeu, quand il se trouvera là, disons qu'il a affaire au souvenir de toutes les fois où, dans cette position-là, son corps s'est disposé de telle manière, dans tous les détails de son corps, sont disposés de telle manière et la balle, immanquablement, est entrée dans le panier. Voilà un exemple, me semble-t-il, parlant, tiré de l'expérience des athlètes, qui explique un peu comment fonctionne le souvenir dans l'engagement vers l'action. Que signifie que ce souvenir est une sensation qui va se prolonger en action, laquelle action est dirigée vers le futur. Voilà un peu la manière, simple, peut-être un peu simpliste, mais dont il me semble qu'on peut commencer à entrer dans la pensée de Bergson, dans la manière dont il comprend les forme de souvenir, le souvenir qui est un souvenir pour l'attitude rêveuse et désintéressée et détendue qui est la mienne, et le souvenir qui est souvenir sensation pour l'homme d'action que je suis et qui va s'engager, se réactiver et s'engager dans l'action que je suis en train de conduire. Ce qui caractérise l'homme d'action, c'est la promptitude avec laquelle il appelle au secours d'une situation donnée tous les souvenirs qui s'y rapportent. Mais c'est aussi la barrière insurmontable que rencontre chez lui, en se présentant au seuil de la conscience, les souvenirs inutiles ou indifférents. Vivre dans le présent tout pur, répondre à une excitation par une réaction immédiate qui la prolonge, est le propre d'un animal inférieur. L'homme qui procède ainsi est un impulsif. Mais celui-là n'est guère mieux adapté à l'action qui vit dans le passé pour le plaisir d'y vivre et chez qui les souvenirs émergent à la lumière de la conscience sans profit pour la situation actuelle. Ce n'est plus un impulsif, mais un rêveur. Entre ces deux extrêmes se place l'heureuse disposition d'une mémoire assez docile pour suivre avec précision les contours de la situation présente, mais assez énergique pour résister à tout autre appel. Le bon sens, ou sens pratique, n'est vraisemblablement pas autre chose. D'abord, il faut mettre en marche les circuits temporels. Ce cadran te dit où tu vas, celui-ci où tu te trouves, et celui-là te dit d'où tu es parti. Tu programmes l'instant exact où tu veux aller sur ce clavier. Disons que tu as envie de voir la signature de la déclaration d'indépendance. Regarde. Et vraiment date essentielle dans l'histoire de la science, le 5 novembre 1955. C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation, une vision. J'ai vu une image. Il m'a fallu 30 ans et tout mon héritage pour matérialiser la vision que j'ai eue ce jour-là. Mon Dieu, tout ce temps déjà. Évidemment, le coin a drôlement changé. Je me souviens de l'époque où, à perte de vue, on ne voyait que des champs cultivés. C'est le vieux Peabody qui possédait toutes les terres. Viens ici, Einstein. En voiture. C'est bien ça. Attache ta ceinture. Voilà. Oh, oh, j'allais oublier mes bagages. Ils n'ont peut-être pas de caleçon 100% coton dans le futur. Et je suis allergique à tous les synthétiques. Le futur? C'est là que vous allez? Exact. 25 ans en avant, j'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Doc? Hein? Passez me voir quand vous serez là-bas. D'accord, j'y penserai. Moteur. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de Bergson cette semaine. Aujourd'hui, en compagnie du philosophe Souleymane Bachir Diagne, qui est avec nous pour cette émission depuis New York. Vous venez d'entendre un extrait de Retour vers le futur, le film de Robert Zemeckis, qui date de 1985. Retour vers le futur, d'ailleurs le titre lui-même et l'extrait qu'on vient d'entendre, ont des échos troublants avec ce que nous sommes en train de dire sur Bergson, puisque finalement, celui qui veut voyager à travers le temps se demande, vous l'avez entendu, le professeur se demande comment matérialiser en images la vision qu'il a eue un jour précis de sa vie, et c'est en voulant aller dans le futur qu'il va essayer de ressaisir ce qu'il a vécu alors. Et finalement, cette tension entre passé d'un côté et futur de l'autre, bah c'est peut-être ce qui caractérise ce que Bergson appelle le présent, non, Souleymane Bachir Diagne? Alors la tension elle-même, oui, mais l'idée que le futur est déjà donné, ceci n'est pas bergsonien. Non. Que le futur soit déjà donné et qu'il soit un lieu que l'on peut aller visiter, c'est cela qui n'est pas bergsonien. Et d'ailleurs, dans sa réflexion sur le temps, Bergson indique bien quel est le paralogisme qui est dans l'idée de prédestination, l'idée que tout est déjà écrit. Et la fameuse question que l'on pose toujours pour essayer de réfléchir logiquement à ce que signifie le temps, se demander par exemple si nous nous donnons un Dieu qui saurait tout, si Dieu sait effectivement tout ce qui va m'arriver. Évidemment, s'il entre dans la définition de Dieu, qu'il puisse connaître ce qui va m'arriver. Mais, dit Bergson, il n'y a rien à connaître. Or, c'est précisément simplement ce geste de dire qu'il n'y a rien à connaître, que le futur n'existe pas, que l'avenir est ce que le moi qui dure est en train de créer. Ceci est une manière de résoudre la question de la prédestination en renvoyant en quelque sorte dos à dos ceux qui seraient partisans d'un libre arbitre total et ceux qui seraient partisans d'une prédestination où tout serait déjà écrit. Alors ceci c'est pour parler d'un des aspects de Back to the Future, retour vers le futur, yes. qui se donne déjà le futur comme existant, un peu dans le même sens que le professeur de physique se donnait un temps qui est la ligne qu'il trace au tableau. Parce que dès lors que le temps est une ligne, on est tout à fait libre de prolonger cette ligne aussi loin que l'on veut en disant « voici le futur » et à ce moment-là, on pourrait aller vers le futur parce que le futur, c'est un lieu. Or, considérer que le temps, c'est de la durée, c'est précisément de dire qu'il n'y a pas de futur. No future, comme dirait une certaine génération, mais pas dans le sens probablement où ils l'entendent. En revanche, là où l'extrait de film qui vient d'être cité est bergsonien, et non pas anti-bergsonien, c'est de parler de cette tension-là. Cet homme qui dit qu'il s'agit pour lui de matérialiser dans le futur quelque chose qui est au fond une idée, un rêve, une sensation. L'idée donc de mobiliser dans l'action, pour l'action et pour le futur, là, ce qui a été une perception, là, effectivement, on est tout à fait en harmonie avec le passage qui vient d'être lu. Sans compter sur l'utilisation du moteur qui fait écho au premier texte de Bergson qu'on a entendu, hein, le présent est sensori-moteur, et le bruit du moteur qu'on entendait traduisait bien la dynamique qu'appelle Bergson de ses voeux, enfin dont il pense que nous sommes faits. Mais alors pourquoi, Souleymane Bachirdian, pourquoi, si Bergson a raison, enfin je me permets de mettre ce point en doute juste pour le temps de cette question, pourquoi sommes-nous autant tributaires de ces illusions? Pourquoi, malgré nous, nous tenons le passé comme étant une chose qui existe quelque part et le futur sans doute comme quelque chose qui pourrait se matérialiser? Pourquoi sommes-nous à ce point dans l'illusion? Parce que nous n'avons pas assez lu Bergson? Ou est-ce que ce sont des dispositions psychologiques contre lesquelles nous ne pouvons rien? Je pencherai pour la deuxième hypothèse, mais vous savez, vous avez raison de poser cette question-là et de mettre en doute, au fond, les choses. Et dans le cas d'espèce, je pencherai plutôt pour la seconde hypothèse. Parce que nous avons effectivement, et c'est normal, c'est ainsi que procède chez nous notre intelligence. Notre intelligence est complice, en quelque sorte, de ce geste du physicien qui trace au tableau une ligne en nous disant « voici le temps ». Voici l'instant T0 suivi de l'instant T1 jusqu'à l'instant TN, ainsi de suite jusqu'à l'infini. Et donc c'est une disposition que nous avons tout naturellement parce que c'est une disposition qui est celle de notre intelligence. Notre intelligence détend les choses. Jusqu'ici on a parlé de cette tension, justement le sensorimoteur, ce qui fait qu'on est toujours en train d'être dans l'action. On est toujours en train, le moi qui dure, c'est le moi, pour reprendre une autre métaphore, célèbre de Bergson, c'est le moi qui fait boule de neige avec lui-même. On est toujours en train de dévaler la pente et, ce faisant, de ramasser du souvenir, de ramasser de la mémoire, de ramasser du passé, mais nous le faisons au présent. Et il y a ce moment de la détente où, justement, on se retourne sur ce qui a été accompli jusque-là et on regarde la trajectoire qui a été parcourue. Mais regardez cette trajectoire qui a été parcourue, c'est une toute autre disposition de notre esprit que le moment où cet esprit précisément est engagé dans ce mouvement vivant vers l'avenir. Et donc, notre intelligence et notre langage, souvenons-nous que pour Bergson, notre langage lui-même est enfant de l'intelligence. Et la manière dont nous parlons est une manière qui, comme le geste du professeur de physique, parle du temps comme d'une trajectoire et du présent comme d'un moment géométrique. Donc nous avons cette inclination tout à fait naturelle, parce qu'elle est inscrite en nous, qui consiste à parler en ces termes-là. Mais il y a quelque chose de tragique à réaliser ça. Ça veut dire que notre intelligence sur laquelle nous misons quand même quotidiennement et dont nous pensons qu'elle constitue la bonne voie à suivre par rapport à d'autres voies possibles, en tout cas quand on étudie la philosophie, c'est ce qu'on pense en particulier, eh bien que celle-ci finalement ne nous permet pas d'accéder au monde tel qu'il est, c'est-à-dire temporel. Si l'intelligence spatialise en permanence, on passe notre temps, quand on veut penser le monde, eh ben à passer à côté justement. On esquive la réalité temporelle. Alors comment fait-on pour la ressaisir si ce n'est par l'intelligence? On ne l'esquive pas vraiment. L'intelligence à la matière n'est pas trompeuse. Ce n'est pas comme l'imagination chez Pascal qui serait maîtresse d'erreur et de fausseté. Ici, nous ne sommes pas trompés du tout. L'intelligence saisit la réalité à sa propre manière intelligente. Mais heureusement, les choses ne sont pas tragiques parce que heureusement, nous avons également en nous d'autres facultés qui sont une faculté qui nous relie au réel, qui nous donne une expérience de la réalité qui est différente. Cette autre expérience, c'est l'intuition, ce que Bergson appelle l'intuition. Et d'ailleurs, l'idée de notre moi qui dure, c'est une idée que nous saisissons par cette intuition-là. Et cette intuition, cette faculté par laquelle nous nous donnons la réalité sous d'autres formes, elle fait partie de notre expérience. C'est par exemple l'expérience du monde que nous livre l'art. L'art est une forme de connaissance du monde. L'art est connaissance, pour reprendre ici une idée de Nietzsche. l'art n'est pas simplement quelque chose qui viendrait se rajouter au monde tel que nous le connaissons par notre intelligence et qui serait une forme de décoration de ce monde, un adjuvant, une manière de d'embellir notre monde. C'est également une expérience et une connaissance du monde qui met en œuvre notre intuition. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons également cette autre faculté par laquelle nous connaissons le réel, cette autre faculté par laquelle nous nous donnons une expérience autre. Et toute notre entreprise humaine, c'est de devenir des humains achevés, complets, qui marchons sur nos deux jambes, c'est-à-dire qui avons l'expérience intelligente du monde et également l'expérience intuitive de la réalité. Et là, nous mettons fin au drame ou à la tragédie et nous devenons les humains complets qu'il est de notre tâche de faire advenir. Oui, mais c'est un certain désaveu quand même du travail philosophique, puisque finalement, quand on lit Bergson, on se rend compte que pour devenir cet humain-là, il vaut mieux devenir artiste que philosophe. Le philosophe ne parviendra jamais à saisir l'intuition comme le fait l'artiste. Ah oui, mais bon, c'est quand même aussi le philosophe qui découvre, qui révèle, qui se dit « voici ce qu'il en est de ce monde que me découvre l'artiste ». Autrement dit, le philosophe n'arrête pas de parler à la porte de l'artiste, au contraire. Oui. D'une certaine façon, il entre dans l'atelier de l'artiste, il le voit à l'œuvre, il voit la manière dont cet artiste fait un avec le monde, coïncide avec son objet, à la différence de notre attitude intelligente qui consiste à nous séparer des choses pour les connaître, à la fois nous séparer d'elles et les diviser aussi en leurs composantes. L'intelligence, alors contrairement à l'étymologie qui parle ici de relier, l'intelligence divise, elle analyse, elle est analytique, elle sépare, elle me sépare d'abord moi, sujet, de l'objet que je connais, et elle divise l'objet en ses différentes parties pour mieux saisir la nature de cet objet, alors que le geste de l'artiste qui traduit la relation intuitive au monde est un geste qui réunit, qui me réunit à l'objet, qui me met dans une espèce de danse avec lui. Je crée et je contemple, d'ailleurs, pour parler aussi du spectateur maintenant de l'autre côté de la création artistique, je crée et je contemple dans une espèce d'attitude rythmique qui me relie au rythme même de cette image particulière qu'est l'objet. Et le philosophe rend raison de tout cela. Mais vous avez raison, il y a un certain nombre de points sur lesquels Bergson estime qu'une autre relation au monde est en quelque sorte supérieure à ce que nous en dit la raison philosophique. Par exemple, pour parler d'un autre livre, dans les deux sources de la morale et de la religion, quand il parle de l'idée d'humanité, nous avons toujours l'impression que nous connaissons que les gens qui sont autour de nous, qui nous ressemblent, qui sont de notre tribu, sont véritablement les nôtres. Et puis l'idée de l'humanité, ma foi, c'est une idée un petit peu vague. Eh bien, Bergson nous dit qu'il n'en est rien. La raison philosophique nous enseigne que l'humanité une, cela existe bel et bien. Mais dit-il sur ce chapitre-là, la religion fera mieux que la raison philosophique, parce que la religion fera les choses de manière directe et propagera dans les cœurs l'idée d'humanité comme un incendie, dit Bergson. Donc il faut réfléchir à ce que peut la raison philosophique, à ce qu'elle nous dit de notre réalité, et puis comprendre qu'effectivement, il y a d'autres domaines qui nous mettent plus directement en relation avec cette réalité-là, le domaine de l'art ou le domaine de la religion, par exemple. Mais je tiens à préciser que les pages dans lesquelles Bergson insiste sur la difficulté du philosophe à saisir ce qu'il veut dire, à coïncider avec ce qui est absolument simple à travers les éléments du langage, sont parmi les plus belles chez Bergson, justement. Ce que je pointais comme étant peut-être j'employais le terme de désaveu, mais peut-être une limite de la philosophie, est aussi ce qui rend la philosophie bergsonienne absolument passionnante et invite à non seulement à la lire, mais à la pratiquer. C'est peut-être ce qui en fait sa force. C'est même non seulement la pratiquer, mais la prendre par cœur, parce que ce moment précisément où Bergson dit qu'il faut, pour pouvoir parler de cette autre réalité, ou plutôt de cette autre relation à la réalité, on est obligé d'utiliser le langage, mais en quelque sorte utiliser le langage au-delà du langage ou en sortant du langage. Et Bergson dit que pour résoudre cette tension-là, cette difficulté-là, on approche ce qu'on cherche à dire par des métaphores. Mm. Et cela se traduit dans sa propre langue, dans l'écriture bergsonienne, qui est effectivement magnifique, oui. Alors si on revient à ce troisième chapitre, on s'en est légèrement écarté, mais tant mieux, car pour le comprendre, il faut aussi avoir en tête d'autres éléments de la pensée de Bergson qui viennent avant, qui viennent après, parfois justement pour essayer de saisir le présent de matière et mémoire. Si on y revient à ce chapitre, donc, apparaît un terme qui est assez surprenant, alors pas pour l'époque à laquelle il écrit peut-être, on est en 1896, mais rétrospectivement le terme peut surprendre, il s'agit de l'inconscient. Au sein de ce chapitre, il y a plusieurs pages sur ce qu'il appelle l'inconscient, car la question se pose de savoir si le mode d'existence de ces souvenirs sur lesquels il réfléchit dans ce chapitre ne relèverait pas de ce que Freud appellera également l'inconscient. Qu'en est-il, Souleymane Bachirdiagne? Je crois qu'on peut effectivement faire le rapprochement sans replier totalement le concept freudien d'inconscient sur ce que Bergson dit ici de l'inconscient, cette apparition de ce mot. Vous savez, d'une certaine façon aussi, cet inconscient-là a une profondeur historique réelle. Si on veut faire des rapprochements, on peut le faire avec Freud en allant vers le futur, mais allons aussi vers le passé et faisons un rapprochement avec quelqu'un comme Leibniz. Mm-hmm. Les toutes petites perceptions qui sont là, qui sont réelles, mais dont je ne suis pas conscient, et qui montent parfois à la conscience, et les petites perceptions deviennent de la perception, comme dit en un seul mot, comme dit également Leibniz. On peut, entre les deux, entre Leibniz et les petites perceptions et l'inconscient de Freud, essayer effectivement de comprendre ce qui est dit ici de l'inconscient et de cette manière qu'il a, cet inconscient, de se révéler à nous, toujours dans le présent. C'est comme si il surgissait dans le présent, il était appelé dans le présent. Et vous savez aussi que dans ce chapitre-là, Bergson parle de la manière dont nos souvenirs sont appelés au présent et engagés dans l'action, en disant que le mécanisme, c'est précisément l'association d'idées. Oui. Il y a une association qui se fait entre ce qui est en train là de se produire, ce qui m'appelle là, et quelque chose que je mobilise, que j'active et qui vient du passé. Et je suis d'autant plus un homme d'action d'ailleurs que je suis, pour reprendre le texte qui vient d'être lu sur l'homme d'action et la définition de l'homme d'action, je suis d'autant plus un homme d'action que je suis en mesure de rappeler de mon inconscient, pour prendre ce mot-là, des souvenirs qui sont liés aux circonstances que je suis en train de vivre dans mon maintenant, dans mon présent, et qui sont des circonstances où je suis engagé dans une action à venir. Et voilà, par exemple, un mode de fonctionnement de l'inconscient devenant conscient, s'engageant dans le présent et s'engageant dans l'action du présent, qui justifie parfaitement que l'on puisse faire un rapprochement avec l'inconscient freudien et essayer de réfléchir à ce rapprochement sans, encore une fois, replier et superposer totalement les deux notions. Alors on va entendre un texte de Freud justement pour creuser cette notion et essayer de comprendre ce que Bergson entend lorsqu'il emploie le terme d'inconscient. C'est un extrait des 5 leçons sur la psychanalyse. Dans ce texte, Freud se demande si ce qu'on appelle les symboles commémoratifs qu'on trouve dans une ville, là, vous allez voir c'est à Londres par exemple, eh bien, ne seraient pas des sortes de symptômes qu'on pourrait qualifier des symptômes hystériques. Il y aurait un parallèle entre les mécanismes de l'oubli et ce qu'on peut appeler une sorte de déséquilibre psychique. Voici le texte. Richement décoré, Charing Cross. Au XIIIe siècle, un des vieux rois plantagenêts qui faisait transporter à Westminster le corps de la reine Éléonore éleva des croix gothiques à chacune des stations où le cercueil fut posé à terre. Charing Cross est le dernier des monuments qui devait conserver le souvenir de cette marche funèbre. À une autre place de la ville, non loin du London Bridge, vous remarquerez une colonne moderne très haute que l'on appelle The Monument. Elle doit rappeler le souvenir du grand incendie qui, en 1666, éclata tout près de là et détruisit une grande partie de la ville. Ces monuments sont des symboles commémoratifs, comme les symptômes hystériques. La comparaison est donc soutenable jusque-là. Mais que diriez-vous d'un habitant de Londres qui, aujourd'hui encore, s'arrêterait mélancoliquement devant le monument du convoi funèbre de la reine Éléonore, au lieu de s'occuper de ses affaires avec la hâte qu'exigent les conditions modernes du travail, ou de se réjouir de la jeune et charmante reine qui captive aujourd'hui son propre cœur, ou d'un autre qui pleurerait devant le monument la destruction de la ville de ses pères, alors que cette ville est depuis longtemps renée de ses cendres et brille aujourd'hui d'un éclat plus vif encore que jadis. Les hystériques et autres névrosés se comportent comme les deux londoniens de notre exemple invraisemblable. Non seulement ils se souviennent d'événements douloureux passés depuis longtemps, mais ils y sont encore affectivement attachés. Ils ne se libèrent pas du passé et négligent pour lui la réalité et le présent. Cette fixation de la vie mentale au traumatisme pathogène est un des caractères les plus significatifs de la névrose. Passionnant d'entendre ce texte quand on a celui de Bergson en tête, puisqu'à la fin du chapitre 3, Bergson se demande ce qui se passe lorsque la mémoire et l'attention perdent le contact avec la réalité. Que va-t-il se passer lorsque le corps ou l'esprit sont défaillants, quand on sait que l'unique fonction du corps, nous dit Bergson, c'est d'orienter la mémoire vers le réel et de la relier au présent? Ben, c'est ce que semble faire Freud dans ce texte-là, bien que sa définition de l'inconscient soit différente, Souleymane Bachir Diagne. Oui, alors justement, cette fonction du corps dont parle Bergson, c'est une fonction qui consiste à faire de notre vie consciente ce mouvement vivant dont nous avons parlé, vous et moi, depuis tout à l'heure, dans notre conversation. L'idée qu'il y a un mouvement qui est un mouvement vivant et non pas un mouvement mécanique. Or, ce qui se passe ici, c'est précisément qu'au lieu de ce mouvement vivant et indivisible, on a l'impression que les choses se sont détraquées. Or, ce sont des machines qui se détraquent. Le mouvement vital, lui, ne se détraque pas. Se détraquer, c'est un mot qu'on utilisera pour des mécaniques. Un moteur, cela se détraque. Eh bien, ça se détraque précisément parce qu'à la place du mouvement vivant, on a une vie purement mécanique. On a l'impression qu'on ne peut pas oublier, on est comme un disque rayé qui revient toujours en arrière sur les mêmes sons. L'incapacité d'oublier, ou plutôt de dépasser l'événement douloureux, c'est un peu l'équivalent de cette mécanique qui se détraque, cette mécanique qui fait que nous restons encore affectivement attachés. Le passé ne passe pas. Ne passe plus, parce que ce qui passe normalement c'est un mouvement et c'est le mouvement vital, et puis là ça ne passe plus. Pour reprendre encore une image mécanique, ça cale. Et là on a effectivement deux textes qui se répondent parfaitement. Si vous me permettez d'ailleurs un autre exemple, je vous en prie, tiré cette fois-ci non plus de la NBA et du basketball américain, mais une image que j'emploie aussi parfois quand je parle de Bergson, qui cette fois-ci est tirée de l'athlétisme. Prenons Usain Bolt, grand coureur devant l'éternel, comme nous savons. Eh bien, vous aurez deux manières différentes de penser les talents d'Usain Bolt. Il est là au départ du 100 mètres, et quand il court, c'est comme s'il était happé par le but qui est là-bas, 100 mètres plus loin. Autrement dit, quand il s'est parfaitement entraîné, quand son corps a intégré tous les souvenirs qu'étaient ses entraînements, les différents gestes qu'il a accomplis, il savait qu'il fallait se comporter ainsi dans les 10 premiers mètres, ainsi dans les 15 premiers, etc., etc. Donc tous ces souvenirs qui ont été accumulés et qui sont devenus une sorte d'habitude inscrite dans cette image particulière qu'est son corps. Il s'est rendu, en quelque sorte, pour prendre une image employée par Nietzsche, il s'est rendu instinctif, le savoir. Et donc, pour lui, le mouvement de courir un 100 mètres en moins de 9 secondes, je crois, ou 9 secondes, c'est un mouvement indivisible. Il suffit qu'il se pose la question, qu'il gamberge, comme disent les sportifs parfois. S'il se met à se demander si, aux 15 mètres, il s'est vraiment comporté comme il fallait, c'est fini. C'est fichu. Il va caler, il va tomber, il va se casser la figure ou bien il va se froisser un muscle parce que précisément, il est passé du mouvement vivant d'être happé par le but à la considération purement mécanique et là, à ce moment-là, il peut caler sur le geste à accomplir aux 15 mètres et le répéter tellement de fois dans sa mémoire qu'il est comme cet individu, ces deux Londoniens décrits ici dans le texte qui vient d'être lu, qui cale systématiquement sur les souvenirs douloureux pour lesquels les monuments qu'il voit ne sont pas simplement des monuments que le touriste habituel voit, mais des symboles commémoratifs qui deviennent symptômes hystériques, comme dit le texte de Freud que l'on a lu maintenant. C'est encore une fois cette grande opposition entre ce qui est mécanique et ce qui est vivant. Le chapitre 3 se termine en préparant le terrain pour le chapitre 4, dont on parlera demain avec Ellie Düring. Le chapitre 4 s'appelle « De la délimitation et de la fixation des images, perception et matière, âme et corps ». Donc on voit que les mêmes termes reviennent. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi se conclut ce troisième chapitre ? Quel est le bilan au terme de la lecture de ce troisième chapitre, selon vous ? Alors... Pour moi, au fond, à la fin de ce troisième chapitre, moi, ce que je retiens véritablement, c'est d'une part la manière dont ceci met fin à ce dualisme entre l'empirisme d'un côté et le rationalisme de l'autre. Ce qui a été dit du souvenir par Bergson et de la manière dont le souvenir est une sensation qui est appelée par l'action, qui se prolonge en action dans le maintenant qu'est le temps présent. Ce qui est important ici, me semble-t-il, et c'est la grande leçon qui, moi, pour moi, se dégage de ce chapitre 3, c'est la critique qui est ici faite de l'empirisme. Vous savez, c'est pour l'empirisme, en particulier pour David Hume, pour prendre un empiriste parfait presque, David Hume, notre mode de connaissance, c'est de commencer par des impressions. Nous sommes frappés par les choses. Nous sommes sous l'impression des choses. Les impressions s'impriment en nous et s'impriment très fortement en nous. Et ensuite, ces impressions vont se dégrader en idées et se dégrader en souvenirs. Le souvenir, par exemple, que j'ai de la douleur que j'ai ressentie en mettant ma main trop proche de la cuisinière électrique, va devenir l'idée de brûlure, etc., en s'affaiblissant. Et la grande leçon de Bergson dans ce chapitre-là consiste à dire que non. La différence entre les souvenirs n'est pas une différence d'intensité, ce n'est pas une intensité plus faible oui. qui va donner de l'idée. Au contraire, c'est une différence totale de nature. Et le souvenir est toujours là quand et redevient vivant, redevient actif lorsqu'il est engagé dans l'action. Ça, c'est un des grands points. Et l'autre grand point, et je crois que ça va se prolonger dans la discussion que vous allez avoir avec Düring, sur le dernier chapitre, c'est la manière dont on commence déjà à voir la réponse. On a commencé à le voir déjà dans les chapitres précédents, d'ailleurs, la réponse qui est apportée par Bergson à la fameuse question de l'union de l'âme et du corps. Cette chose absolument incompréhensible que Descartes n'avait pas su réconcilier. Il avait tellement séparé le corps de l'esprit qu'il était incapable de les réunir, sauf à explorer des métaphores comme le pilote en son navire, etc. autre manière d'essayer de penser cela, le parallélisme. Eh bien, sortir de toutes ces fausses solutions de l'union de l'âme et du corps, à la manière de Bergson ici, dans ce troisième paragraphe, me semble être la grande leçon et la grande conclusion de ce chapitre qui ouvre sur le quatrième et dernier que vous allez discuter donc. Merci pour cette conclusion et transition, professeur Diane. C'était un plaisir de parler de Bergson avec vous, comme à chaque fois d'ailleurs. Merci de m'avoir invité à le faire. Et à bientôt, une prochaine fois en studio, j'espère, si un jour nous pourrons rejoindre les studios de la Maison de la Radio. Merci Souleymane Bachir Diane et à bientôt. Merci à vous, au revoir. Dans les comptes d'apothicaire, 20 ans, c'est une somme de bonheur. Mais 20 ans sont morts à la guerre, de l'autre côté du champ d'honneur. Si je connus un temps de chien, certes, c'est bien le temps de mes 20 ans. Cependant, je pleure sa perte. Il est mort, c'était le bon temps. Il est toujours joli, le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. Dans votre petite mémoire de lièvre, bonhomme, il vous est souvenu de notre amour du coin des lèvres, amour nul et non avenu, amour d'un sou qui n'allait certes guère plus loin que le bout de son lit. Cependant, nous pleurons sa perte. Il est mort, il est embelli. Le temps passé, chanté par Juliette Gréco, et le temps à venir, et le temps présent. C'est le temps, c'est le moment de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mesnas-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. À chaque crise, son succès littéraire ou philosophique. En 2015, les attentats avaient entraîné la redécouverte d'Ernest Hemingway et de son livre « Paris est une fête ». En 2016, c'est l'élection de Donald Trump qui avait vu bondir les ventes de 1984 de George Orwell et ses critiques de la novlangue. Récemment, tout naturellement, c'est la peste d'Albert Camus qui a été à l'honneur. Pourquoi se réfugier dans les classiques quand tout est bouleversé ? Salut, c'est Gianni. Aujourd'hui, on me l'a pas mal demandé, je vais essayer de t'expliquer la base de la base du stoïcisme en 2-3 petites minutes. En général, quand on entend le mot philosophie, on peut vite se cacher parce qu'on pense qu'on va probablement parler d'un truc hyper abstrait que personne va comprendre. Mais quand on parle de la philosophie stoïcienne, en revanche, elle a 3 gros avantages qui lui permettent de se détacher des autres. Elle est axée sur la pratique, elle est intemporelle et surtout elle est vraiment destinée à tout le monde. Ce week-end, un article du Monde dévoilait l'engouement depuis une dizaine d'années des Américains pour le stoïcisme. Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, mais aussi le Manuel d'Épictète ou les Lettres à Lucilius de Sénèque, des siècles après, le succès serait encore au rendez-vous pour les penseurs antiques. Je suis toujours friande de ce genre d'informations. La rencontre de l'actualité avec la littérature ou la philosophie devenue intemporelle a toujours quelque chose d'émouvant et de curieux. Que veut-on trouver dans un texte classique ? Pourquoi vouloir éclairer le présent avec des pensées écrites il y a des siècles ? Pourquoi tel écrit et pas un autre ? Toutefois, je mentirais si je ne disais pas qu'il y avait aussi chez moi une forme de perplexité face à ces phénomènes de librairie. Mais que pense-t-on trouver comme recette dans un livre pour aller mieux ? Et de préciser qu'à la perplexité se mêle, c'est vrai, une forme de snobisme, une haute idée de la discipline, une crainte de l'instrumentalisation. Mais si je suis honnête, je ne crois pas que les livres soient sacrés, la philosophie encore moins, et par là même réservée seulement aux spécialistes. Tant mieux si elle est lue, peu importe les motivations, la méthode ou le but. Pourtant, quelque chose malgré tout me pose un problème dans cette démarche. Mais alors quoi ? Vous croyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs ? Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie des lecteurs. Que pensez-vous du livre de poche ? Beaucoup de mal. Pourquoi ? parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement. Y aurait-il chez moi une forme de soupçon quant à ce genre de texte, leur possible incompréhension ou leur potentielle dénaturation, ou alors une forme de méfiance à l'égard de leur nouveau lecteur, d'une posture susceptible ou d'une intention intéressée ? Pourquoi suis-je si sceptique sur la rencontre entre ces deux mondes, entre ces textes d'autrefois et les lecteurs d'aujourd'hui ? Voilà la question que je me pose systématiquement face au succès renouvelé d'un Orwell, d'un Camus ou d'un Sénèque. Au fond, cette question concerne notre rapport au texte et à la lecture. Que doit-on attendre d'un livre si tant est qu'on doive en attendre quelque chose ? Les théories de la lecture là-dessus sont multiples. On parle d'un pacte entre l'œuvre et le lecteur, d'une suspension consentie de l'incrédulité, notamment pour la fiction, de l'œuvre qui dépasse son auteur, d'une machine à interpréter. Mais malgré cela, quand on voit le succès des textes classiques, validés par les années et les universités, je ne peux pas m'empêcher d'être étonnée par la valeur qu'on accorde à certains livres. Le livre, enfin le classique des bibliothèques, serait le nec plus ultra, une ressource incontournable, une valeur refuge, quelque chose d'incontestable, un dieu. Voilà ce qui me dérange dans ces succès de grands noms lettrés. On ne les interroge jamais. Ils détiendraient un secret, une autorité, et accoler le nom de Sénèque, Nietzsche ou Camus à n'importe quelle analyse suffirait à la rendre valable. Mais par quel paradoxe, ces penseurs et leurs livres destinés à nous faire réfléchir auraient-ils pu produire l'inverse ? Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Face au succès des classiques de la philosophie ou de la littérature, on peut s'enthousiasmer ou douter, invoquer l'acuité temporelle d'une pensée ou s'agacer face à leur démocratisation au gré des crises, peu importe. Mais pourquoi quand même en est-on venu à accepter des textes, à les louer, à les déifier, alors qu'ils contiennent en eux quelque chose de profondément dérangeant, alors qu'ils poussent à s'interroger sur ce qu'on accepte trop facilement, alors qu'ils exhortent à critiquer ce en quoi nous croyons bêtement ou les mouvements de foule que nous suivons. En lisant Marc Aurèle, j'ai du mal à trouver ça évident comme pensée, par exemple, à me dire « Ah oui, c'est vrai, c'est moi le problème et pas le monde. » Même chose pour Paris est une fête, je n'ai jamais rencontré le Paris dont Hemingway me parle. Voilà donc ce qui m'étonne, me dérange, me déplaît dans ces succès de classiques. On les croit sur parole. Ce n'est pas que je les sacralise, c'est qu'on les sacralise. Eux aussi, mettons-les à l'épreuve. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci, un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Clara De Giovanni, Manon De La Celle, Nicolas Berger qui réalise cette émission pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Nicolas Delmas. À la lecture des textes, Éric Herson-Macarel. Merci au CDM de Radio France qui a permis d'assurer la liaison avec New York aujourd'hui. Demain, on continue et on termine cette série autour de matière et mémoire de Bergson. Ce sera l'occasion de lire le quatrième et dernier chapitre en compagnie du philosophe Elie Düring. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours et peut-être plus que jamais, télécharger cette émission pour la réécouter au moment de la journée que vous choisirez. Et sachez aussi que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.